y a une forme de paradoxe, ou tout du moins d'injonction a priori contradictoire, dans la littérature de science-fiction. Il s'agit d'un genre littéraire qui a pour source la science et le progrès scientifique, et qui pourtant, plus qu'aucun autre, accorde une place prépondérante à la religion et à la divinité. Qu'il s'agisse de distordre dans l'espace-temps les schémas structuraux des grandes religions monothéistes ou de recréer des panthéons fictifs de civilisations extraterrestres, la religion est très souvent une pierre angulaire du récit de science-fiction. Pourquoi ? Qu'est-ce que la SF a à dire sur le religieux ? Existe-t-il une métaphysique de la SF ? So say we all. Science-fiction, des aliens et des dieux, c'est le sacré programme, ou le programme sacré qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Mais avant de plonger dans le bénitier technologique ou dans l'univers du sacré, commençons donc par faire pénitence devant la grandeur de l'actualité scientifique de la semaine, déclamée par la révérende mère Natacha Triou pour le Journal des sciences de la semaine. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal des sciences de la semaine, une étude parue dans la revue Nature. Pour la première fois, des physiciens ont détecté des neutrinos solaires issus du cycle carbone-azote-oxygène. Et c'est une détection importante car elle nous permet de mieux comprendre la structure et la dynamique du Soleil. Les neutrinos solaires, la grande majorité des neutrinos qui traversent la Terre, sont produits par des réactions de fusion nucléaire. Il en existe deux types. La chaîne PP, proton-proton, plus courante que l'on a déjà observée, et la réaction de fusion nucléaire par le cycle carbone-azote-oxygène. Ce cycle CNO ne produit que 1% de l'énergie solaire, mais dans des étoiles plus massives, ce cycle est la principale source d'énergie. La collaboration internationale Borexino vient donc d'en observer. Le détecteur en Italie est enfoui à 1400 mètres sous terre. C'est un ballon géant en nylon rempli de 278 tonnes d'hydrocarbures liquides et qui est immergé dans l'eau. Alors d'une part, cette observation confirme une prédiction fondamentale sur la dynamique stellaire qui a été théorisée en 1938. Et d'autre part, cela fournit des informations clés sur la structure du noyau solaire et notamment sur sa métallicité. En bref, selon une étude parue aujourd'hui dans la revue Science, à cause du changement climatique, les feuilles des arbres tombent plus tôt en automne. Et une équipe germano-suisse a analysé les données sur la chute des feuilles d'automne de 1948 à 2015 sur les arbres forestiers sur près de 4000 sites en Europe. Selon les chercheurs, les niveaux de CO2 plus élevés ainsi que la hausse des températures poussent les feuilles à être plus productives au printemps et en été, ce qui accélère ainsi leur disparition. Une sénescence précoce qui inquiète les chercheurs, cela aura des conséquences sur les insectes et sur d'autres espèces. Le phénomène risque de s'aggraver et si les feuilles d'arbres tombent plus tôt, elles conservent par conséquent beaucoup moins de carbone, ce qui limite donc le rôle de nos forêts en tant que puits de carbone. Cette semaine, Natacha, dans le Journal des sciences, il a été question de l'atmosphère primitive et toxique de la planète Terre qui ressemble à celle de Vénus, de la campagne de vaccination française contre la Covid-19 et ses défis, du lancement réussi de la sonde chinoise Chang'e 5, de la première contamination Covid d'un élevage de visons français, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, et en ultra bref. Cette semaine, on découvre que les abeilles peuvent voler de façon inclinée. Une expérience avec 400 vols d'abeilles dans un tunnel étroit montre qu'elles peuvent se pencher pour ne pas casser leurs ailes contre la paroi. Cela signifie que ces insectes ont une conscience de leur taille, et ce, malgré leur système nerveux simple. Peut-être existe-t-il une forme d'universalité dans la façon dont les êtres vivants perçoivent le monde. Cette semaine, les neurones de la peur ont été identifiés, du moins chez la souris. Palpitations cardiaques, dilatation des pupilles, ces réponses physiologiques à la peur sont contrôlées par un ensemble de neurones, une zone qui, selon son activation, aggraverait les états anxieux. Elle pourrait devenir une nouvelle cible thérapeutique pour soigner l'anxiété. Et enfin, Suite à l'étonnante découverte que l'ornithorynque possède une fourrure fluorescente, des chercheurs ont identifié de nouvelles espèces luminescentes. Ils ont observé des spécimens naturalisés d'un muséum à l'aide d'une lampe UV. Et surprise, sous une lumière noire, le wombat, mais aussi l'échidné, le bandicoot, l'opossum et certaines chauves-souris brillent en vert, en bleu et en rose. La fluorescence est donc beaucoup plus courante chez les mammifères qu'on ne le pense. Plus que quelques minutes avant que nous évoquions les liens troubles et parfois incestueux, complexes et passionnants en tout cas de la science-fiction et du religieux, mais avant, on met la main dans la boîte du journal de la science-fiction. Et pour commencer ce journal de la SF, selon une prépublication sur le site Archive, une intelligence artificielle pourrait estimer ses propres incertitudes. Et on dit que l'erreur est humaine. Alors, c'est rare, mais il arrive que les algorithmes se trompent aussi. Ce qui peut être préoccupant quand on pense aux IA des voitures autonomes ou celles pour des applications médicales. Les chercheurs du MIT et de l'université de Harvard ont formé des réseaux de neurones baptisés le Deep Evidential Regression. Une IA consciente, entre guillemets, de sa propre fiabilité. Alors non seulement elle produit une décision, mais elle est aussi capable d'estimer l'incertitude en ses propres décisions, une sorte de code de confiance. Les chercheurs l'ont testé avec succès, ils lui ont fait juger les profondeurs dans différentes parties d'une image, un peu comme une voiture autonome qui devrait estimer la distance. Et en prime, l'IA a aussi signalé les moments où elle rencontrait des images qui sortaient de ses attributions habituelles. Voici donc une intelligence artificielle suffisamment intelligente pour savoir quand elle n'est pas digne de confiance. En bref, l'armée française teste un laser anti-drone. Et dans les conflits armés contemporains, les drones sont devenus des éléments cruciaux. La société Silas, une filiale d'Ariane Group, développe une arme laser. Elle a été baptisée ELMAP. Elle vient d'être testée sur un site de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, située à Biscarrosse. Et selon le communiqué de presse, les résultats seraient prometteurs. Installés sur un trépied, les tirs laser ont détruit des drones en vol à 50 km/h et à 1 km de distance. Pour tester son efficacité sur des drones en haute altitude, d'autres essais auront lieu d'ici la fin de l'année et en 2021. Les autorités ont retrouvé un monolithe de métal dans le désert de l'Utah. Et un monolithe métallique de 3 mètres de haut, au milieu de nulle part, qui évoque 2001, l'Odyssée de l'espace. Le département de la sécurité publique de l'Utah l'a repéré en hélicoptère et n'a aucune idée de comment ce monolithe est arrivé là. Un internaute a de son côté mené son enquête. À partir des vidéos disponibles, il a exploré le désert avec Google Earth et a retrouvé son emplacement exact. L'historique des images satellites sur Google Earth montre qu'il n'y a aucune trace de monolithe avant octobre 2016. Alors comment est-il arrivé là? C'est une zone où il n'y a presque pas de route. Et surtout qui? L'auteur ne s'est toujours pas déclaré. Et pour finir, l'adaptation de la série The Expanse va bientôt se conclure. Oui, alors la saison 5 de cette série de space opéra sera visible sur Amazon Prime à partir du 16 décembre. Amazon promet une 6e saison, mais elle sera aussi la dernière. Elle sera aux mains du showrunner Naren Shankar. Le tournage est prévu pour ce mois de janvier pour une diffusion à la fin de l'année 2021. Et comme chaque vendredi, on termine par notre rubrique de science improbable. Aujourd'hui, Natacha, vous allez nous raconter que nos ancêtres aimaient bien se faire des petits tripes. Oui, c'est une étude parue dans la revue PNS qui décrit ça. Sur le site d'art rupestre de Pinwell Cave en Californie, on peut voir au plafond un grand dessin abstrait à l'ocre rouge, une grande spirale qui intrigue les archéologues depuis sa découverte. Les chercheurs ont retrouvé, enfoncés dans les fissures de ce même plafond, des boulettes mâchées, des restes de chic. Les analyses chimiques ont révélé qu'elles provenaient de la datura, une fleur connue pour ses vertus hallucinogènes. Selon les auteurs, cette spirale rouge n'est pas une peinture abstraite et psychédélique faite sous influence, mais un dessin qui représente et qui glorifie cette fameuse fleur. Merci beaucoup Natacha, restez sage ce week-end, ne faites pas comme nos ancêtres, une petite tisane et au dodo. On vous retrouve dès lundi pour le prochain Journal des Sciences. Quand la science-fiction traite des religions contemporaines, c'est en leur étant toujours hostile. Cette phrase n'est pas de moi, mais d'Orson Scott Card, qui l'écrit en 1990. Mais est-ce vraiment le cas? Ce qui est certain, c'est que la SF, en tant que genre littéraire, est l'une des rares littératures non religieuse, dans laquelle pour autant la religion, la divinité et le mysticisme occupent une place prépondérante. Tant pour jouer dans le passé ou le futur ou le présent parallèle avec les fondements de la religion ou du religieux réel, hein, bien souvent catholique romain il faut l'avouer, que pour recréer de toutes pièces des panthéons futuristes ou extraterrestres et regarder à travers eux les liens qui nous unissent aux nôtres. Nous allons donc emprunter ce chemin de croix, explorer les sentiers de la métaphysique, de la science-fiction, ces contrées où mysticisme et religiosité fricotent avec voyage intergalactique et physique quantique. Nous avons le plaisir pour cela de recevoir enfin, ça faisait longtemps que nous voulions l'avoir dans notre émission et c'est chose faite aujourd'hui, j'en suis ravi. Xavier Mauméjean, bonjour. Bonjour, ravi. Bienvenue dans la méthode scientifique, écrivain, philosophe, diplômé en sciences des religions, ce qui va nous être utile aujourd'hui. Auteur régulier par ailleurs de pièces radiophoniques également pour France Culture. Et récemment, on peut vous lire dans La Société des Faux Visages chez Alma ou Car je suis Légion chez Mnemos il y a un peu plus longtemps. Mais c'est un roman qui traite justement de la question religieuse. Et Natacha Vazder, bonjour. Bonjour Nicolas. Chercheuse associée de l'université Bordeaux-Montaigne, une voix qui commence à vous devenir familière et que nous sommes ravis de retrouver pour nos vendredis fiction. Peut-être qu'on peut commencer, si vous le voulez bien, par un peu de terminologie, parce que on parle de religion, mais de quoi parle-t-on vraiment? Est-ce qu'on parle de religieux? Est-ce qu'on parle de mysticisme, de sacré, de mythologie, de spiritualité? Qu'est-ce qui vous semble le mieux convenir à la façon dont la science-fiction s'empare de ces questions théologiques, Xavier Mauméjean? Bah déjà, le terme religion, il est connoté, c'est un terme latin, dont d'ailleurs l'étymologie est incertaine. On y attribue deux sens qui sont d'ailleurs coïncidences complémentaires. Il y aurait ligare, religare, qui donnerait, c'est du latin paysan, le lien, c'est relié par exemple des faisceaux de blé, et donc ça désignerait la communauté chrétienne, le lien qui les unit. Ou alors léguer, religuere, cueillir, recueillir. Et là, effectivement, on serait plus près du recueillement, de la spiritualité, du sens intime. Mais il existe d'autres sens. Par exemple, l'Umma est très présente chez les musulmans en tant que communauté, ou même dans les sagesses, vous avez Tao qui dit encore autre chose. Le Tao, c'est la voie, le chemin. Donc déjà, se dire qu'on va parler de religion, c'est pas dire un terme universel, c'est déjà une indication précise. Mmh. Natacha Vazder, à votre avis, quand les auteurs de science-fiction s'emparent de ces thématiques, comment est-ce qu'on doit les définir? Est-ce que d'ailleurs il faut trouver un seul mot pour tout définir, ou est-ce qu'il peut y avoir différentes approches en fonction bien du projet de narration, du projet fictionnel derrière la plume de l'auteur? Alors moi, je vois deux approches. En fait, une approche de la transcendance, c'est-à-dire que les auteurs tentent de déterminer quel type d'entité divine ils vont pouvoir inventer, donc soit une transcendance plutôt d'origine extraterrestre, soit des hommes qui voyagent dans le temps, par exemple, et qui se transforment en messie. Et le deuxième, je crois, le deuxième élément le plus important, c'est la notion de spiritualité. C'est-à-dire que certains auteurs tentent de définir, je pourrais par exemple vous citer un auteur français comme Pierre Bordage, différents éléments qui peuvent déterminer une spiritualité, peut-être un syncrétisme religieux, c'est-à-dire un mélange de différentes croyances, différents dogmes. Par exemple, l'autrice canadienne Esther Rochon, donc dans les Chroniques infernales, fait référence au livre des morts tibétains ou aux différents cycles de la vie que vous pouvez retrouver, par exemple, dans le bouddhisme. Et puis, je crois qu'il y a aussi un élément qui est important, c'est que chez les auteurs, Dieu ou les dieux, sont considérés comme un personnage ou des personnages. Mmh. Et ça, c'est très important. Mmh. On va y revenir. Peut-être encore un mot, Xavier Mauméjean, j'aimerais vous entendre à ce propos. Comment vous résolvez-vous cette situation un peu paradoxale, ou ce que j'appelais tout à l'heure une injonction contradictoire, de dire que la science-fiction, qui est a priori une littérature scientiste, même si on peut considérer le scientisme d'ailleurs comme une forme de religion, consacre autant de place, et peut-être la littérature qui consacre le plus de place à la question du religieux en son sein? Ben parce que la science-fiction est consciente qu'elle est littérature même imaginaire de la science. Or, la science et la religion ont en fait pas mal de points communs. Par exemple, la recherche de la vérité, la recherche des origines, l'imagerie du Big Bang ou du chaos primordial qu'on retrouve souvent est assez proche. La conviction aussi que peut entraîner la vérité de connaissance tout comme la vérité de foi, et puis les passerelles, on peut être non seulement un scientifique mais un croyant, mais même cette croyance elle fait l'objet de la recherche scientifique avant de prouver une théorie contre les échecs, face à la difficulté, il faut croire. Autrement dit, il y a quand même pas mal de petites passerelles entre science et religion qui fait qu'on peut en établir des récits et donc l'intérêt et la curiosité de la science-fiction. Natacha Vazder, sur ce paradoxe, comment vous l'interprétez, vous ? Alors moi, je crois que d'abord, la SF, elle aborde des sujets totalement essentiels, voire métaphysiques. Par exemple, la vie après la mort, l'au-delà, l'éthique, le libre arbitre, l'autodétermination. Et on peut le considérer pratiquement, et c'est peut-être pour ça qu'on peut le rapprocher de la science. Alors non seulement comme un laboratoire social et religieux, mais moi je dirais presque comme un laboratoire de sens. Et j'emprunte évidemment cette expression à Paul Ricoeur. C'est une expression qu'il attribue au mythe. Et moi je dirais que peut-être la religion justement, ou le religieux, en tout cas le fait religieux dans la science-fiction, c'est tout simplement parce que la SF, c'est une sorte de mythologisation en marche, une mythologisation de l'avenir. D'où, je crois, l'importance du récit de ces questions absolument fondamentales et de ces questions, par exemple, liées à l'espace, au cosmos. Qu'est-ce qu'on va trouver dans l'espace? Qu'est-ce qu'on va trouver dans le cosmos? Quelle est la place de l'humanité par rapport au cosmos? Vous voyez, donc toutes ces questions-là, qui étaient des questions, en fait, auparavant traitées notamment par les récits mythiques, eh bien, c'est la science-fiction qui s'en empare. Oui, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que il y a finalement, quasiment ontologiquement dans la science-fiction, une métaphysique, une sorte de métaphysique littéraire, c'est-à-dire que toute forme de science-fiction interroge à un moment donné ou croise la route de l'interrogation du fait religieux, de la question des origines, de la question de la mortalité, en fait, des grandes questions qui sont les questions qui sont posées et auxquelles tente d'apporter une réponse n'importe quelle religion, Xavier Mauméjean. Oui, tout à fait. En plus, ne serait-ce que dans la problématique de l'extraterrestre, non seulement on aimerait que ce soit qu'il existe des extraterrestres, on ne veut pas des poireaux, on veut des gens qui ont une métaphysique, une recherche de sens. Là, on sera content. Là. Par exemple, il y a un roman de Robert G. Sawyer qui s'appelle Calculating Gods, oui. Dont le pitch est très simple. Il y a une race extraterrestre intelligente qui dit aux terriens: bon, ça y est, on sait cette fois-ci que Dieu existe, on vient vous le dire. Et c'est bien sûr le chaos à l'annonce de la démonstration de Dieu. Donc, oui, c'est l'un des présupposés importants de la science-fiction. Quoique la civilisation des poireaux, moi, ça pourrait m'intéresser en tant que lecteur. Ouais. Pourquoi pas? Ça peut être un roman relativement court néanmoins, mais sait-on jamais. Natacha Vazder, oui. sur ce lien fondamental, finalement, qui rejoint un peu ce que disait Xavier Mauméjean quand il parlait de passerelle, est-ce qu'il n'y a pas finalement une démarche similaire dans le fait religieux et la littérature d'anticipation ou de science-fiction? Alors, déjà, souvent, ce que les auteurs peuvent vous répondre, c'est que l'auteur est un démiurge au centre de son récit. C'est lui qui va finalement créer l'ensemble des personnages de son récit. Et je me souviens très bien avoir beaucoup discuté de cette question-là, en fait, avec James Morrow, qui a donc écrit la trilogie de Jéhovah, qui est un récit particulièrement savoureux, oui. Où, en fait, le corps de Dieu tombe sur terre, et donc le cadavre de Dieu est sur terre, Dieu est mort, avec évidemment toutes les caractéristiques, par exemple de la sainteté, le cadavre donc sent la sainteté, a cette odeur donc particulière liée à la sainteté. Et donc James Moore me disait, ce qui l'amusait beaucoup en fait, c'est que en même temps il était créateur de ce Dieu en fait qui était mort. Et en même temps, ça lui permettait en fait de poser tout un ensemble de questions, puisque d'après évidemment l'affirmation nietzschéenne, Dieu est mort, mais si Dieu meurt réellement, je veux dire concrètement, comment va réagir l'humain? Parce qu'en même temps, c'est quand même la preuve que Dieu existait. Donc, vous voyez, donc il y a cette espèce de paradoxe qui fait que je crois que les auteurs de SF, à mon avis, s'amusent beaucoup avec ces créations divines. Je parle de créations divines parce que, évidemment, il y a plein de formes différentes, peut-être qu'on le verra justement de ces de ces personnages divins. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons religion et science-fiction tout au long de cette heure en compagnie de Xavier Mauméjean et Natacha Vazder. Alors, je vous propose une sorte de catégorisation qui n'est pas totalement et uniquement de mon fait, mais que l'on retrouve beaucoup. Vous allez me dire si elle vous convient. Je vous propose de traiter deux volants ou deux volets de traitement finalement de la science-fiction dans la littérature de SF. La première partie qui serait celle d'une sorte d'écriture, en tout cas critique des religions existantes, de récupération, de voir comment nos panthéons humains à nous dans la réalité sont décalqués bien dans la littérature de science-fiction. Et puis dans une deuxième partie, on interrogera la création de nouveaux panthéons, de nouvelles théologies, de nouvelles mythologies, que ce soit pour des civilisations extraterrestres ou pour des civilisations du futur. Est-ce que ça vous convient comme division du travail, Xavier Mauméjean? Bah, très très bien, oui, sachant que en plus avec la critique de la science-fiction, notre panthéon est décousu. Natacha Vazder, on aime beaucoup, oui, le panthéon est décousu. Tout à fait, ça me convient bien. C'est l'élément essentiel, la critique, de toute façon, souvent dans la science-fiction. Alors justement, sur cette première partie, c'est-à-dire celle qui reprend finalement des éléments des mythologies ou des religions humaines, est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre avec cette citation d'Orson Scott Card que je donnais au tout début de cette émission, à savoir: quand la science-fiction traite des religions contemporaines, c'est en leur étant toujours hostile, Natacha Vazder? Alors ça, c'est je suis pas toujours d'accord avec ça, parce que très souvent on dit que voilà, la science-fiction a un rapport à la rationalité, donc à la science, et donc on s'imagine bien que il n'y a pas forcément une place qui est faite où on va parler de l'existence de Dieu comme un fait allant de soi. On est plutôt parfois dans une position athée. Mais en réalité, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que peut-être à travers un ensemble de signaux, qu'on a plusieurs interprétations possibles. Je vais citer simplement le cinéma et un film que vous connaissez certainement bien, qui est 2001, Odyssée de l'espace. Et dans 2001, Odyssée de l'espace, on a évidemment cette forme absolument allégorique de l'intelligence, ce monolithe qui apparaît complètement et qui pour moi est une forme de transcendance. Et puis Kubrick utilise finalement tous les moyens du cinéma pour donner peut-être une interprétation en fait religieuse à son film. Par exemple, la scène de l'alignement des planètes, nous sommes dans un cosmos parfait, peut-être organisé par cette entité divine, mais on ne sait pas ce que c'est un extraterrestre, c'est un dieu, le film évidemment laisse l'interprétation complètement ouverte. Et puis il y a aussi cette musique, ce requiem de Ligeti, qui est à la fois porteur d'angoisse, peut-être d'une angoisse métaphysique, de ce vide métaphysique de l'espace, mais peut-être aussi en même temps, voyez, les voix célestes. Je ne parle pas des anges, mais des voix célestes de cette entité qui est toujours présente et qui va porter en fait l'intelligence à l'humain. Vous voyez, donc en fait, je pense que c'est une question qui est beaucoup plus complexe que ça. Et je citerai simplement, le syncrétisme que vous pouvez trouver, dans la trilogie des prophéties de Pierre Bordage, où on a la création d'une espèce de ce que j'ai appelé une sorte de spiritualité nomade en dehors de toute religion, mais qui permet en fait à l'homme de se régénérer en quelque sorte. Alors c'est un petit peu complexe, parce que Pierre Bordage est un auteur croyant, c'est quelqu'un, mais qui prend la substantifique moelle de chaque religion et qui en fait son propre syncrétisme religieux. Je crois que quand même la science-fiction, parfois, où elle est dans l'ambivalence, où elle nous propose carrément, elle nous fait une proposition peut-être de croyance, une proposition spirituelle. Xavier Mauméjean, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'effectivement il y a des auteurs de science-fiction qui revendiquent leur foi quelle qu'elle soit et qui n'ont pas forcément ce point de vue hostile que décrit Scott Card ou que dans la citation que je vous ai proposée? Ben, en tout cas, certains sont peut-être pas dans la foi, mais sont sensibles au sacré, à la manifestation du radicalement autre ici-bas. Par exemple, la scène de la crucifixion du Christ est souvent invoquée dans les récits de science-fiction, Alors, par exemple, un créneau qui serait un créneau narratif qui serait le tourisme temporel pour aller voir le Christ crucifié a quand même été traité trois fois par Robert Silverberg, par Gary Kilworth et par l'écrivain cubain Yoss, pour en arriver en plus au même résultat, c'est-à-dire que quand les touristes temporels partent après la mort du Christ, c'est rempli de canettes de coca, de chips, de papier gras. Et de la même façon, la crucifixion du Christ chez Michael Moorcock dans Voici l'homme, c'est une reprise, là par contre, une réappropriation scientifique. On a un historien juif athée, Glockauer, qui se retrouve à l'époque du Christ, et le Christ n'existe pas. Donc, il décide par rigueur scientifique de prendre sa place jusqu'au Golgotha. Et donc, effectivement, il y a ce que vous avez dit, une espèce de, à la fois d'agression littéraire et de fascination dans la science-fiction pour le fait religieux. Alors oui, effectivement, l'exemple de Moorcock, Voici l'homme, est effectivement assez juste et assez intéressant. Il y a, à mon sens, et les auditrices et les auditeurs qui sont coutumiers et abonnés à nos vendredis science-fiction seront pas étonnés que je remette cette série de romans et que j'en reparle aujourd'hui, qui pour moi est une série de romans essentielle et souvent négligée, ou en tout cas qui n'a pas, à mon avis, la place qu'elle mérite. C'est oui. le programme Conscience de Herbert. Le programme Conscience, qui est une série de romans avec donc une nef qui part aux confins de la galaxie avec des êtres humains à l'intérieur pour que l'intelligence artificielle se développe. Et je suis obligé de raconter une partie de l'histoire, vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Cette nef, quand elle va s'éveiller, d'un seul coup, va être assimilée à Dieu puisqu'elle a tout pouvoir sur les humains qui l'habitent. Et elle va rejouer plusieurs épisodes, justement. Le deuxième tome de ce programme Conscience s'appelle L'incident Jésus. Et peut-être un commentaire sur... Je trouve que le rapport de Herbert à la religion, et on pourra reparler de Dune évidemment plus tard, est quand même un très, très symbolique d'une époque, d'une certaine littérature et d'un certain regard de la SF générale sur la religion chrétienne en particulier, Natacha Vazder. Oui, alors d'abord, première remarque que je voulais faire sur Herbert, c'est très bien que vous ayez cité donc ce cycle, c'est qu'en fait, Frank Herbert, c'est un auteur qui utilise un code linguistique religieux explicite, totalement explicite, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends juste le cycle de Dune, nous avons le Messie de Dune, nous avons l'Empereur Dieu de Dune, et ça, c'est quelque chose, je pense, ce vocabulaire religieux va totalement donc structurer en fait l'œuvre de Frank Herbert. Et je ne me souviens plus, Nicolas, de votre question, pardon. Non, c'était sur le programme Conscience, si vous voulez en dire un mot, et voilà, plus général. Voilà. Oui. Et donc le deuxième élément qui est important par rapport à ça, c'est le rapport, c'est la place de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est considérée par la science-fiction comme une transcendance ou comme une entité divine? Et ça, je crois que il n'y a pas uniquement chez Frank Herbert qu'on va le retrouver, mais par exemple, même dans les romans cyberpunk, par exemple de Sterling ou de Gibson, on va retrouver ça. C'est-à-dire que caché en fait au cœur du cyberespace, eh bien, on va trouver une sorte de transcendance, d'intelligence évidemment artificielle, qui est présente nulle part et partout à la fois, qui a du pouvoir finalement sur ces mondes virtuels dans lesquels nous sommes plongés. Et donc, vous voyez ici, eh bien, l'IA, oui, effectivement, elle prend la place de Dieu, elle prend la place d'un créateur. On va retrouver ça, par exemple, dans les films de Tron, tout simplement, même si les films ont commencé en 80 avec Disney, mais on voit bien ici, si vous voulez, que voilà, l'intelligence artificielle, eh bien, c'est un dieu à l'intérieur d'un petit système. Donc on a une sorte de relativisme aussi, bien sûr. Xavier Mauméjean, Frank Herbert, auteur mystique parmi les mystiques. Oh ben, tout à fait. Alors, sur Dune, c'est assez facile à démontrer, mais vous évoquiez Destination Vide, je pense, au début. Et Destination Vide inclut même la possibilité que le vaisseau, l'intelligence, puisse changer d'humanité. Et là, on pense au mythe babylonien ou de l'Ancien Testament du déluge. Elle se donne la possibilité de faire varier les humanités. Le troisième volume d'ailleurs, l'effet Lazare, enfin il y a vraiment toute une réflexion dans le programme Conscience que je trouve assez intéressante sur la réeffectuation de la religion et comment l'humanité va d'un seul coup accepter ou ne pas accepter la narration religieuse du christianisme. Je trouve que tout ça est assez passionnant. Et puis évidemment, quand on pense à Frank Herbert, on ne pense pas malgré moi, à mon corps défendant au programme Conscience, on pense évidemment à Dune. Le puissant ordre féminin du Bene Gesserit, depuis 90 générations, a visé à créer par manipulation génétique le Kwisatz Haderach, un surêtre. Sur Caladan, Jessica, membre de l'ordre féminin et concubine exclusive du duc Leto Atreide, a reçu l'ordre de ne concevoir que des filles. Par amour pour le duc, elle a fait acte de désobéissance et a donné naissance à un fils, Paul. Paul Atreide. Voilà extrait de l'adaptation de David Lynch. Je vous précise que dans 15 jours, ce sera notre vendredi fiction. Nous parlerons de Dune, puisqu'il y a une sorte d'avalanche de publications, un magnifique MOOC, un ouvrage dans la collection Parallax, une adaptation en bande dessinée, une nouvelle publication. Bref, c'est la fin d'année dunesque. Peut-être un mot, Natacha Vazder, sur effectivement cet empire mystique que Frank Herbert conduit et qui nous place exactement à cheval entre nos deux catégories, c'est-à-dire à la fois avec un regard sur et un propos, un discours symbolique sur la religion chrétienne et en même temps la constitution d'un empire mystique, voilà, sur l'intégralité du cycle, quoi. Voilà, la critique en fait dans Dune, je pense qu'elle va porter sur l'assimilation de la religion quand même à une sorte de secte, puisque Paul Atreides va quand même subir des rites initiatiques assez violents. Et dans le même temps, permettez-moi de faire référence, donc j'ai travaillé dans le MOOC justement sur Dune, sur le fameux storyboard donc de Jodorowsky, et la dernière image en fait du storyboard de Jodorowsky, cette adaptation mythique qui n'a jamais eu lieu malheureusement donc du film, du roman d'Herbert. Mais qui a donné lieu à un magnifique documentaire par ailleurs. Oui, tout à fait. Et en fait, dans la dernière image, eh bien, Paul, évidemment, qui meurt, va se transformer. Alors ça, c'est la vision, évidemment, mystique aussi et surréaliste de Jodorowsky, mais va se transformer, le bleu de ses yeux va se transformer littéralement donc en planète. Alors, c'est une fin un petit peu différente de Dune, bien sûr, enfin, du premier, évidemment, du premier tome, mais dans le même temps, je trouve que c'est une image tout à fait allégorique et qui donne du sens, c'est-à-dire que le personnage, en fait, suite à toute cette, je dirais, toutes ces initiations mystiques et religieuses, eh bien, se transforme lui-même en entité divine et en planète. Voyez. Donc ça, je crois que c'est le message de Jodorowsky, mais en même temps, c'est l'interprétation qu'il nous donne de Dune. Et je crois que Frank Herbert a vraiment voulu, dans son cycle, nous apporter une vision très science-fictionnelle, en fait, du mysticisme. Et ça, c'est vraiment présent dans la science-fiction, je pense, à travers le Sense of Wonder, c'est-à-dire peut-être on passe de la merveille, du miracle, finalement, médiéval, au Sense of Wonder, à la merveille, en fait, de la science-fiction, via la religion. Xavier Mauméjean, à ce propos, sur Dune et sur la mysticité de Frank Herbert en règle générale. C'est aussi un magnifique travail de cut-up littéraire, c'est-à-dire que Frank Herbert réussit à coller et faire tenir ensemble un véritable syncrétisme, le mot a été prononcé plusieurs fois, entre l'Ancien Testament, bon, bien sûr la dimension messianique, mais aussi les figures, les archétypes de l'éternel retour, le bouddhisme avec les Bene Gesserit. C'est aussi un remarquable travail littéraire, indépendamment du thème ou des thèmes qu'il traite. On va essayer de passer vers la deuxième partie. Enfin, on va vous allez voir qu'on va chevaucher un peu nos deux parties sur ce traitement de la religion dans la science-fiction. Impossible de ne pas évoquer un auteur qui lui-même a un positionnement individuel assez particulier, Dan Simmons, avec Hyperion d'un côté. Natacha Vazder, je crois que vous vouliez en dire un mot, parce qu'effectivement là aussi, dans Hyperion, dans Endymion, dans ce cycle d'Hyperion, Dan Simmons aborde la littérature d'un point de vue particulier pour un auteur qu'on sait n'être pas un grand libéral au sens politique du terme, pour le dire poliment. Voilà, oui, en fait, dans Hyperion, moi, ce qui m'avait complètement choqué et marqué, c'est le traitement, en fait, horrifique de la divinité ou de la transcendance ou de l'entité, je sais pas tellement comment l'appeler, à travers ce personnage donc du Gritch qui a forcément marqué tous les lecteurs évidemment du cycle d'Hyperion, et une sorte de dieu de douleur, puisque c'est une figure en fait qui va se nourrir de la souffrance des hommes, de la souffrance physique, et donc comment ne pas y voir évidemment une multiplication finalement de la souffrance du Christ sur la croix. Et ensuite la deuxième chose, c'est que je pense que dans Hyperion il y a vraiment une réactivation du mythe messianique avec bien sûr le sacrifice d'Isaac, enfin une référence tout à fait explicite au sacrifice d'Isaac. Donc je pense que en fait le peut-être la mythologie biblique sous-tend complètement ce cycle, et encore une fois dans une inventivité science-fictionnelle qui permet un petit peu voilà de mélanger les genres entre science-fiction, space opéra, et puis quand même une petite touche pour moi de littérature horrifique. Il y a un auditeur qui soumet quelque chose évidemment de très intéressant. Le problème évidemment de ces émissions, c'est qu'on essaye de d'englober et de passer d'un auteur à l'autre, donc on prend peut-être pas tout à fait le temps suffisant de s'attarder sur une œuvre, mais je trouve qu'effectivement la remarque qui est faite à propos de Dune est à mon avis une remarque tout à fait justifiée, tout à fait intéressante. Je sais pas qui de vous deux voudra rebondir là-dessus, mais notre auditeur nous dit: comment parler de Dune et de la religion sans parler des références à l'islam, au parallèle entre le parcours de Paul et de Mahomet, les références du genre Lisan al-Gaïb, la voix de l'absence, ou de Mardi Guide, ou encore Muad'Dib, qui est le maître d'école coranique. Et c'est d'autant plus intéressant que je l'évoquais à demi-mot au tout début de l'émission, on ne parle de religion aujourd'hui que de la religion a priori judéo-chrétienne, et c'est vrai que l'incartade de Frank Herbert là-dedans, et l'inclusion justement de codes de la religion islamique, est assez passionnante et assez inédite dans la science-fiction en règle générale, Xavier Mauméjean. Mais tout à fait, et la remarque concernant Dune, le djihad aussi. Bien sûr. Mais permet aussi de rebondir avec Dan Simmons, parce que Dan Simmons, par exemple, dans Terror, met en avant la beauté, la force, la sincérité des croyances inuites, ce qu'on appelle vulgairement les Esquimaux, contre une religion compassée, sociale, colonialiste, qui est celle du navire anglais qui est pris dans les glaces. Et l'un et l'autre, à leur façon, hein, bien sûr, Herbert et Simmons montrent qu'il y a du sacré au-delà de ce qui est défini dans la religion des trois grands monothéismes. Terror qui raconte la découverte du passage du Nord-Ouest et l'expédition du HMS Terror et du HMS Erebus bloqués dans les glaces et qui se retrouvent confrontés à une sorte de créature mythologique extraite quasiment du panthéon inuit, justement. Voilà. Peut-être un mot, Natacha Vazder, là-dessus, en tout cas, sur Herbert, sur l'islam en règle générale, et sur le fait qu'effectivement, la science-fiction comme littérature majoritairement, alors je vais prendre beaucoup beaucoup de guillemets pour dire ça, mais baigné d'un imaginaire grande partie occidentale, a du mal ou a assez peu intégré, ou contrairement à Herbert justement dans Dune, des problématiques qui seraient des problématiques en dehors de notre culture collective judéo-chrétienne. Alors c'est... Vous voyez, je citais donc au début de nos échanges Esther Rochon, par exemple, donc cette autrice québécoise qui est tout à fait singulière, et qui elle construit complètement ces cycles donc de littérature, de récits, avec donc la philosophie bouddhiste et le livre des morts tibétain. Donc vous allez avoir des références qui parfois ne sont absolument pas judéo-chrétiennes. Vous pouvez également avoir, par exemple, dans certains récits, alors peut-être, je ne sais pas, je prends des guillemets, on va peut-être s'éloigner un petit peu de la science-fiction, mais dans, par exemple, American Gods de Neil Gaiman, On va ici avoir des panthéons tout à fait différents, des références par exemple au premier donc au panthéisme américain. Vous allez avoir également une réactivation par exemple des mythes égyptiens quand même dans Stargate. Bien sûr. Exemple, Voilà dans la série Stargate, dans Battlestar Galactica aussi. On va y arriver, je vous en prie. Voilà. Donc je crois que si vous voulez, voilà, le peut-être que ce mot qui est revenu, que Xavier a utilisé tout à fait justement tout à l'heure, c'est le mot de syncrétisme. C'est-à-dire cette espèce de mélange, ou alors soit de mélange, soit peut-être tout simplement d'hybridité religieuse que l'on va retrouver dans les récits de science-fiction. En fait, je vous disais, les créateurs et les créateurs donc de science-fiction, les romanciers ou les réalisateurs sont des créateurs et ils utilisent finalement ce qui vont servir à leur récit. Et alors c'est vrai que dans le registre d'inspiration critique ou non d'ailleurs, on a beaucoup parlé des monothéismes, il y a aussi la question des polythéismes, puisqu'on parlait de Dan Simmons, on peut parler d'Ilium et Olympos, où Dan Simmons va transformer les dieux de l'Olympe finalement en post-humains complètement dopés aux nanotechnologies et les hisser au statut de divinité. Peut-être un mot là-dessus, Natacha Vazder? Oui. Alors, ça fait un petit moment que j'ai lu ce roman, puis c'est pas un de mes préférés en plus. Ah ouais. Moi, j'aime bien cette espèce de volonté un peu mégalomaniaque de réécrire l'Iliade et l'Odyssée de d'Homère en science-fiction, même si c'est choses questionnables dans le roman, mais. Ouais, non, mais parce que je crois que j'ai été complètement. C'est vraiment, si vous voulez, moi j'aime bien la première partie en fait de la carrière de Dan Simmons. C'est des romans voilà qui m'intéressent un petit peu moins. Mais du coup, j'ai pensé peut-être au-delà de Dan Simmons, à notamment, alors évidemment à deux auteurs, mais là aussi encore une fois, est-ce que on est proche d'une, peut-être c'est pas tout à fait de la science-fiction ou c'est une science-fiction hybride. Mais par exemple, on va retrouver des dieux babyloniens dans la Nef d'Ishtar chez Abraham Merritt. Et puis, comment quand même ne pas évoquer les grands anciens de Lovecraft? Oui. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel peut-être Xavier pourra éventuellement répondre. Mais les grands anciens, enfin, je veux dire la figure divine chez Lovecraft. C'est quelque chose de tout à fait intéressant parce qu'on sent bien que on a affaire à une entité divine très ancienne, hein. Vous voyez, on pense parfois aux titans, à ces espèces de forces extraordinaires, ces forces primaires que l'on va retrouver donc dans la mythologie. Et dans le même temps, encore une fois, on va se retrouver avec des créatures qui sont des créatures antédiluviennes, des créatures qui ressemblent à des extraterrestres, mais qui n'en sont peut-être pas complètement, des créatures, des monstres poulpiens. Voilà. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que à travers ces réactivations finalement mythiques, c'est là qu'on a peut-être, je dirais, une des caractéristiques de personnages religieux dans la science-fiction. Le syncrétisme lovecraftien est passionnant, Xavier Mauméjean, parce que effectivement, ces entités extraterrestres monstrueuses, totalement inintelligibles par nos petits cerveaux humains tout récents qui ont quelques centaines de milliers d'années face à ces créatures qui sont vieilles de plusieurs éons et qui ont leur culte. On est là dans une forme de perversion de la religion, du culte religieux qui va rendre fou, qui va transformer ces créatures humaines en espèces de servants dégénérés. Il y a quelque chose d'intéressant là-dessus aussi. Est-ce que vous pensez que on est dans une forme de discours critique ou est-ce qu'on est juste dans le plaisir de la mythologie monstrueuse? Ben, ni l'un ni l'autre, en fait. Moi, je pense que c'est une réactivation de forces brutales, primaires du religieux, comme on pouvait la trouver, par exemple, en Assyrie ou à Babylone. Par exemple, le démon qui fait les choux gras de l'exorciste, Pazuzu, chez les Babyloniens, c'était le protecteur des enfants. Donc, c'est vous dire à partir de quel degré ils avaient peur, les Babyloniens. Donc là, au contraire, je pense que les créatures de Lovecraft réveillent une dimension qui est fondamentale, au moins dans les premiers cultes, qui est, bon, bien sûr, le sacré, mais aussi l'effet de sublime, cette capacité qu'a l'impression de bloquer le cerveau, de le rendre incapable de raisonner, d'être dépassé. D'ailleurs, c'est tout le registre, tout le monde le sait, littéraire de Lovecraft, de ne pas pouvoir décrire ou dire les dieux. Or, le fait de ne pas pouvoir nommer son dieu, c'est aussi un des grands classiques, une des grandes tendances des premières religions. Alors, à l'opposé de ses origines, de ses fondements, il y a aussi les apocalypses et les Armageddon qui sont intéressants. Et là, la science-fiction s'en donne à cœur joie. Ouais. Vous pensez à quoi, par exemple, Xavier Maugéant? Deux œuvres qui sont très étonnantes. Par exemple, la nouvelle La Bataille de Robert Sheckley. Donc ça y est, le Armageddon va arriver. Donc le combat final, Satan qui existe se présente avec ses légions et l'humanité s'est rassemblée autour d'une armée de robots. Donc ce sont des robots qui combattent à la place et pour l'humanité. Comme l'indiquaient les Saintes Écritures, c'est bien Satan qui est défait. Le ciel se déchire, il y a une lumière, les anges descendent. Et comme les élus, ceux qui ont combattu pour Dieu sont les robots qui sont sauvés. Mmh. Et les humains restent bêtement sur une terre qui va devoir vivre avec l'absence de Dieu. Mmh. Et il y a une autre très très belle nouvelle de Lester Del Rey qui s'appelle « Car je suis un Dieu jaloux ». Ça, j'aime beaucoup celle-là, oui. Je trouve ça c'est assez formidable. Ouais, ouais. Et donc, pour vos auditeurs, les humains se prennent une pile d'anthologie par une civilisation extraterrestre et ils se rendent compte, c'est un pasteur, le héros principal, se rendent compte que ces extraterrestres, c'est radicalement autre, honorent le même Dieu que nous. Et donc, le Dieu s'est détourné de l'humanité, il s'est tourné vers un peuple qu'il aime davantage. Et donc, dorénavant, les humains vont se perdre dans une théomachie, vont décider de combattre Dieu. Ouais, c'est Lester Del Rey en 71, car je suis un dieu jaloux. Ce qui est intéressant, c'est que là on se concentre effectivement sur ces religions avec le discours critique ou au contraire la mythologie qu'ils permettent de développer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans la SF très très populaire, finalement le motif religieux est immédiat, systématique, mais avec la question qui est celle que je vous pose, c'est-à-dire en soutien de quoi? Parce que si on regarde, par exemple, dans la grande science-fiction audiovisuelle des années 60-70, que ce soit dans les deux grandes sagas Star Trek ou Star Wars, on a un motif religieux. On a le Live Long and Prosper et la religion de Monsieur Spock, la religion vulcaine. On a les Jedi qui sont une forme de religion, mais on a l'impression que ce sont des religions dévitalisées. C'est-à-dire que ce sont pas des religions qui engagent une forme de réflexion sur le fait religieux. Qu'en pensez-vous, Natasha Vazder? Alors ça, c'est une question très intéressante que je vous remercie de m'avoir posée, Nicolas. Oui, alors sur les religions dévitalisées, bien tout simplement parce que il faut peut-être se poser la question que la religion, dans les exemples que vous donnez, hein, si on prend par exemple Star Wars, qui d'ailleurs pourrait être aussi considéré, ça c'est un grand débat, comme un récit de fantasy, sur Star Trek, est-ce que ça ne sert pas finalement, c'est un peu à l'arrière-plan quand même, c'est-à-dire que voilà, ça sert de décor, ça fait presque partie du folklore. Donc en réalité, on se pose pas vraiment la question. Ce qui compte finalement dans Star Trek, c'est l'amitié entre Monsieur Spock et le capitaine. C'est le fait qu'ils vont traverser l'espace et puis avoir de nouvelles aventures. Alors peut-être évidemment rencontrer de nouvelles religions, voilà. Mais finalement, je pense que c'est plutôt des éléments d'exotisme en fait. Et dans Star Wars, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on va se concentrer finalement sur l'opposition manichéenne entre les personnages, mais bon, au final, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment ces personnages vont évoluer, c'est comment Dark Vador est devenu tel qu'il est. Il est passé donc de Jedi de la force donc positive au côté obscur, etc. Donc vous voyez, c'est en fait, je pense que elles sont dévitalisées parce que elles servent d'éléments de décor, d'éléments exotiques. La religion de Spock est totalement qui est totalement pour moi un élément exotique dans Star Trek. Vous voyez, c'est voilà, ça permet de montrer différents cultes, ça permet. Oui, bien sûr. Voilà. Mm. Vous voyez, donc oui, c'est pas, on n'est pas vraiment dans du questionnement sur la religion, sur voilà, comme on peut trouver ça. Par contre, je pense beaucoup plus au cinéma. Pour moi, Interstellar, par exemple, c'est vraiment un questionnement sur est-ce que finalement dans le cosmos on a des forces totalement aveugles, ou est-ce que éventuellement, eh bien, la métaphysique finalement du cosmos, le temps, peut avoir un sens pour nous, et est-ce que ce grand cosmos peut se préoccuper finalement de l'humain? Vous voyez, ça, c'est, pour moi, c'était la question, qui est une question un peu en dehors, évidemment, de tout questionnement scientifique par rapport au film. Je sais qu'il a eu beaucoup de critiques à ce niveau-là. Mais moi, je crois que le plus important, c'est ça. Et on va retrouver ça également chez un auteur français qui s'appelle Serge Lehmann. Et Serge Lehmann, en fait, à chaque fois, essaie de relier la métaphysique individuelle à la métaphysique du cosmos, vous voyez, dans nombre, par exemple, de ses nouvelles ou de ses romans. Donc, je crois que on a affaire, voilà, oui, effectivement, à deux types de traitements du fait religieux, soit un décor un petit peu exotique, folklorique, ou un questionnement fondamental. Serge Lehmann, que nous avions reçu à ce micro, dont on sait qu'il écoute régulièrement la méthode scientifique et que l'on salue s'il nous écoute. C'est un auteur important de la littérature de science-fiction française. Un mot pour dire que on parle de la religion pris en tant que telle, de ces panthéons qui sont construits de toutes pièces, en regard ou non avec les panthéons humains, qu'ils soient monothéistes ou polythéistes. Mais la religion, ça n'est pas que la paix entre les peuples, l'amitié et la fraternité universelle. La religion, ça peut être aussi la guerre, surtout lorsqu'elle s'oppose. With heavy hearts, we lift up their bodies to you, O lords of Kobol, in the knowledge that you will take from them their burdens and give them life eternal. We also pray that you look down upon us now with mercy and with love, just as you did upon our forefathers many years ago. Just as you led us from Kobol and found the 12 worlds. So now we hope and pray that you will lead us to a new home where we may begin life anew. So say we all. So say we all. So say we all. So say we all. So say we all. So say we all. So say we all. So say we all. Voilà un extrait en anglais de la série Battlestar Galactica, que vous savez cher à mon cœur, où on se retrouve donc dans l'extrait que vous venez d'entendre devant une bénédiction de tous les humains qui ont été détruits et qui ont été tués par les machines, par les Cylons, par l'intelligence artificielle qui a évolué. Et on entend dans cet extrait le fait que les humains auxquels nous nous identifions sont donc polythéistes, hein, on parle des Lords of Kobol. Il y a 12 divinités qui correspondent également aux 12 planètes. Et en face d'eux, eh bien, cet ennemi cybernétique est lui devenu monothéiste et pense, imagine un dieu unique qui est révélé à un messie. C'est important. Peut-être un commentaire sur cet extrait et sur cette vision de la lutte polythéiste contre monothéiste, de la guerre de religion comme motif de narration science-fictionnelle, Xavier Méméjean. Alors déjà, bon, le Battlestar Galactica est une série qui est d'une très très grande qualité d'écriture et très riche d'inspiration. Elle a été aussi rejointe, si elle ne pouvait pas le prévoir, par la Seconde Guerre d'Irak. Donc le motif religieux, souvenez-vous, je crois que c'est dans la troisième saison, les camps de prisonniers, etc. Bien sûr. Il fait qu'il y a un télescopage entre une réécriture du religieux et un phénomène religieux politique qui s'impose et dont la production a le courage de tenir compte. Et puis, il y a aussi cette possibilité perdue par l'humanité. Alors, est-ce la faute aux Cylons, est-ce la faute aux humains, d'un passage qui aurait été, par exemple, le fait d'Asimov, où les humains auraient été oubliés, puis les dieux bienveillants des robots. C'est pas le cas, là. Là, en fait, on peut se demander à la fin qui mérite vraiment d'emporter le qualificatif d'humanité. Et je pense que la série ne s'encombre pas du tout de concepts religieux, mais au contraire, les fait jouer de manière nouvelle. Jusque, bien sûr, on ne va pas révéler la fin pour ceux qui ne la connaissent pas. Évidemment mais pas. C'est vraiment une boucle qui est absolument remarquable. Et tout à l'heure, vous évoquiez le fait de dévitaliser une religion. On peut penser que davantage la religion est profanée, mais pas au sens absolument agressif du terme, mais elle devient profane. Elle arrive à se réintroduire dans le domaine commun, comme les séries télé avec brio pour Battlestar Galactica, mais aussi ce serait dommage de les oublier avec les comics, par exemple, quand Thor et Hercule se joignent aux Avengers, c'est une réintroduction du sacré dans le profane et donc une profanation du sacré pour essayer d'introduire des éléments sublimes, des éléments transcendants dans le banal et dans le quotidien. Natacha Vazder, un mot qui risque d'ailleurs d'être un mot de conclusion sur, eh bien, sur cette dichotomie monothéisme polythéisme, sur la guerre de religion comme moteur narratif une fois de plus, puisque c'est ce que décrit d'une certaine manière l'une des nombreuses intrigues de Battlestar Galactica. Oui, alors ça, je crois que c'est une réactivation en fait certainement des faits historiques, hein, des guerres de religion qu'il y a pu effectivement avoir dans l'histoire humaine. Mais au final, en fait, je me disais plutôt comme thématique qui serait importante, c'est la notion de plutôt cette opposition entre polythéisme et monothéisme, plutôt la transformation en fait de la figure divine. C'est-à-dire que il y a une sorte dans la science-fiction de plasticité en fait de la transcendance et de la figure divine. Et alors, on a parlé de syncrétisme, on a parlé d'hybridité, on a parlé donc de réactivation ou de réécriture des mythes. Mais parfois, dans la science-fiction, eh bien, des extraterrestres peuvent devenir des humains, peuvent se transformer, par exemple, donc en dieu, ou vous avez encore, notamment, eh bien, des IA qui peuvent également devenir des figures divines. Donc, je crois que le mot de la fin, c'est que la science-fiction a une inventivité absolument extraordinaire, qui lui permet finalement d'explorer absolument en tous sens, soit en tant que création de personnages, soit en qualité de décor, soit en question fondamentale, eh bien, le fait religieux dans absolument toutes ses dimensions. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler. C'est une discussion qu'on pourra avoir pendant des heures. On en aura peut-être d'ailleurs un deuxième chapitre à un moment donné pour explorer d'autres territoires que nous n'avons pas abordés aujourd'hui parce qu'il manque plein d'auteurs qu'il aurait fallu citer. On peut penser notamment à Philippe K. Dick et tant d'autres. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Natacha Vazder, un mot sur le festival Hypermonde que vous avez cofondé, qui a été malheureusement annulé à cause de la pandémie en quelques secondes. Eh bien, nous espérons que le festival Hypermonde aura lieu en septembre 2021. Voilà. Et nous allons prier le dieu de la science-fiction. On suivra en tout cas. On se fera un plaisir d'y participer et de l'annoncer. Xavier Mauméjean, je crois que vous êtes en train de travailler sur une biographie pour les Forges de Vulcain. Elle vient de paraître. C'est la première biographie au monde à partir de ces 30 000 pages de manuscrits d'Henri Darguer. Eh bien, très bien, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Un mot pour vous dire que toutes les références qui passent comme ça dans l'heure, eh bien, notre camarade Sébastien Lopoukine du site web de francecultures.fr a créé une page spéciale dans laquelle, eh bien, qui est abondée notamment par les références que nous pouvons faire à différents auteurs, à différents romans dans les émissions type de la SF plein la valise ou celle d'aujourd'hui. Cette page sera remise eh bien, à jour régulièrement. Donc, on va vous mettre aussi le lien sur le fil Twitter et vous pouvez la consulter régulièrement. Et puis, puisqu'on parle de rouverture des librairies demain, n'oubliez pas d'aller acheter votre exemplaire de l'espace coécrit par Nicolas Martin et Mathieu Lefrançois, c'est de CIEPA, il paraît que c'est assez intéressant. Allez, c'était Jacques Cazubert aujourd'hui à la technique. On va vous mettre le programme de la semaine prochaine, parce que je suis très en retard, sur le fil Twitter. Demain à 16h, c'est Étienne Klein. Nous, on se retrouve à lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.